Oh suprême amour, vivre pour t'aimer est un vrai bonheur qui maintient en moi ce que me soutient en toi et qui demeure. Je t'aime, Jésus. Au fond de mon cœur jaillit un chant d'amour pour celui qui a sauvé, gagné toute ma vie. Plein de reconnaissance, je chante pour toi, Jésus. Je veux prendre plaisir à goûter à ton fruit, m'enivrer de toi. Mon seul amour, j'ai du mal à décrire l'élan de cet amour. Convaincu, j'ai pu dire que je t'aime, mon Jésus. Je suis épris de toi, tu es mon divin roi. Dans tes bras, je désire partager ta chaleur, que tes ailes m'emmènent dans ta demeure. Tu es mon roi. La chaleur de tes ailes m'emmène.